Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Rien ne vaut le terrain, la fouille, la collecte des données primaires, mais aussi ses surprises. Qui aurait pu croire qu'une découverte d'exception allait être mise au jour à Langrelais-sur-Rance, petit village de 900 âmes des Côtes d'Armor, et pourtant, au cœur de la cité gauloise des Coriosolites, sous la lame de l'appel mécanique puis des truelles, apparaît actuellement un étonnant ensemble, la demeure d'un Matuvu, un de ces personnages intemporels pour qui l'ostentation est un art de vivre. C'est donc sur le terrain, dans la ferveur de la fouille, que j'ai rencontré Bastien Simier, archéologue de l'INRAP, Julien Boilève, teico-graphologue, et Jean-Paul Guinche, maire de Langrelais. Bastien Simier, ce que vous avez, c'est une gigantesque villa romaine. Ah oui, c'est parmi les plus grandes connues et fouillées en Bretagne actuellement. Donc la partie résidentielle de cette villa fait à peu près 1500 m² habitable, donc c'est quelque chose d'énorme, plus les bâtiments annexes, plus l'édifice thermal qui lui fait 400 m², qui est également monumental. On est chez qui ? Alors on est chez un notable, une famille de notables probablement d'origine gauloise, qui appartient au peuple des Coriosolites, hein, qui est le peuple local, dont la capitale est l'actuelle ville de Corseul. On a quatre peuples en Armorique. C'est ça, on a quatre peuples. Ici, on est chez les Coriosolites, donc c'est à peu près la moitié est des Côtes d'Armor et le nord de l'Ille-et-Vilaine. Donc un peuple important, qui a une élite importante également, dont un des principaux notables habite ici, sur la villa de Langrelais. Mais il n'habite pas qu'ici. Ça, c'est sa maison de campagne. C'est ça. Alors une villa, c'est une maison de campagne, c'est vrai, puisqu'il a, c'est également un notable qui a des fonctions au niveau de la ville et de la région. Mais cette villa, c'est aussi sa résidence familiale d'origine et aussi une résidence économique, puisqu'une villa, c'est avant tout le centre d'un domaine agricole où il va tirer l'essentiel de sa richesse. Et on n'est pas n'importe où, on est sur la Rance. L'intérêt de cette villa, et ce qui fait sûrement qu'elle est aussi importante, c'est qu'en plus d'être proche d'une grande ville, elle est aussi dans un lieu privilégié, en bord du fleuve de la Rance, avec une vue magnifique, vraiment une vue très prisée aujourd'hui, et qui l'était bien sûr à l'époque. Le propriétaire, il habite donc dans la grande ville de la région, et il vient seulement là de temps en temps ? Alors le propriétaire, il partage sa vie entre ce domaine rural, sa villégiature, et une autre résidence qu'il a en ville. Hein, donc on est ici à environ 14 km de Corseul, donc cette distance peut être faite en une demi-journée, que ce soit par la Rance ou par le réseau de voies antiques. Donc il peut vraiment venir très très régulièrement, et il vient ici en famille, mais il vient aussi ici avec ses amis, ses partenaires d'affaires pour discuter commerce ou politique. Et comment s'est fait cette romanisation dans cette Bretagne qui a été, disons-le, assez hostile à la conquête ? Alors effectivement, la Bretagne était un peu hostile à la conquête, mais très vite elle va être insérée dans l'Empire et va bénéficier donc de tout le système romain économique, la mise en place de grandes voies de circulation, de grandes villes, d'un commerce, de marchés. Donc le peuple gaulois va très vite se romaniser et les élites vont très vite profiter de ce système économique très intéressant pour leurs exportations. Et là, vous pensez que l'on est justement sur une population, je dirais, d'élite gauloise qui a totalement intégré le système romain ? Alors, c'est pas facile à répondre à cette question parce qu'on n'a pas le nom du propriétaire, on n'a aucun indice sur le nom des différents propriétaires de cette villa, mais on a des origines anciennes. Sous cette villa, on a une autre ferme plus ancienne, peut-être gauloise, et donc on suppose très fortement que cette famille est d'origine gauloise, était déjà là avant la conquête. La villa, elle se présente comment ? En général, c'est un plan romain qui est appliqué absolument partout. Donc d'un côté, l'activité agricole, et puis de l'autre côté, les activités liées au maître. C'est ça, il y a deux parties. Hein. Donc la partie qu'on a découverte ici, c'est essentiellement la partie résidentielle, la pars urbana. Donc elle s'organise autour d'une cour, une cour de 2500 m² qui est bordée par différents corps de bâtiments liés donc à l'aspect résidentiel. Mais on a très peu d'indices par contre sur la partie agricole, qui se situe très probablement sur le bourg actuel de Langrelais, et qui est d'ailleurs peut-être à l'origine de ce bourg-là. Alors la villa, elle est pas en très bon état de conservation, comme toutes les villas bretonnes, ou une grande partie. Par contre, les thermes, eux, le sont. Avec des piscines qui sont très bien conservées, des pièces chaudes également. Et également beaucoup de décors effondrés dedans, qui font qu'on a un état de conservation qui permettra une restitution assez fidèle de cet ensemble thermal. Par contre, le reste est entièrement récupéré, puisque ces villas sont vendues probablement comme carrière de matériaux à la fin de l'Antiquité. C'est-à-dire que quand l'Antiquité périclite, on vend le domaine et puis on va tout arracher ? Alors, ça dépend. Ça doit dépendre d'une villa à l'autre. Ici, on est probablement sur une vente complète des matériaux. La villa est abandonnée, il n'y a pas de réoccupation après, et elle va disparaître très vite, et tous les murs sont récupérés vraiment jusqu'à la fondation. Il n'y a plus aucune pierre dans la plupart des murs. Donc on a une récupération systématique qui nous laisse à penser qu'elle a été abandonnée à un moment donné, et que le propriétaire a vendu la résidence pour carrière de matériaux, mais il garde probablement le domaine dans sa propriété. Donc votre villa, vous l'avez trouvée totalement en négatif ? C'est ça, on l'a totalement en négatif. Sauf les thermes où on a de la maçonnerie. Alors les thermes, nous sommes devant, c'est une sorte de Pompéi-sur-Rance. Oui, c'est ça, c'est Pompéi-sur-Rance, tout à fait. On savait qu'on allait trouver un ensemble bien conservé. Il y a mieux conservé que ça en Bretagne. Ce qui fait l'intérêt de ces thermes, c'est leur taille. On est sur 400 m², c'est quelque chose d'énorme qui s'apparente à des thermes public. On n'a pas de comparaison pour le moment en Bretagne. Hein. Les thermes les plus grands connus jusqu'à présent étaient deux fois plus petits que ceux-là. Alors, par exemple, ce que l'on voit là, au centre, oui. C'est quoi ? C'est une sorte de piscine ? Alors oui, au centre, on a une piscine froide qui est conservée sur 1,40 m de profondeur et qui possède encore une partie de son dallage en pierre de schiste. Et quand les dalles ont été récupérées, on a leur empreinte. Donc on peut restituer le décor complet de cette piscine qui devait vraiment être très belle. On a les marches pour sortir. Et à côté, il y a des sortes de pilastres, je dirais. Là, on serait plus probablement sur ce que l'on appelle les hypocaustes, à savoir un système de chaufferie. C'est ça, donc la plupart des pièces de thermes sont chauffées par le sol, donc vous avez un système assez élaboré où vous avez une dalle béton qui est suspendue sur des piliers en terre cuite et l'air chaud passe en dessous. Donc vous avez un parcours dans ces thermes, vous commencez par aller dans une des pièces très très chaudes où vous allez suer, où vous allez éliminer les toxines. Pour cela vous avez une baignoire d'eau très chaude, vous avez un sauna, puis vous continuez votre parcours, vous avez des pièces qui sont également chauffées par le sol qui sont destinées au massage, aux soins du corps, et puis vous avez ces piscines d'eau froide qui sont là pour se rafraîchir en fin de parcours. On a même également le vestiaire et les latrines. Elles sont situées à l'extrémité des thermes au niveau des évacuations d'eau des piscines. Comme ça, quand on vidange les piscines, on en profite pour nettoyer les thermes par un effet de chasse d'eau. Ces thermes sont privés, qui sont destinés uniquement au propriétaire et à sa famille, mais il invite ici ses amis, ses partenaires d'affaires, et toujours plus simple de parler affaires dans des conditions plus agréable, donc en prenant un bain, en se faisant masser. Donc c'est un lieu de prestige, c'est là où on montre son luxe, sa richesse et on impressionne ses partenaires d'affaires. Alors pourquoi ces thermes n'ont-ils pas été détruits puisque tout le reste a été rasé jusqu'à la dernière assise ? Alors pour des raisons de structure, les thermes, donc il y a beaucoup de pièces chauffées, il y a des piscines, donc c'est des bâtiments qui sont excavés pour des raisons thermiques, et donc on va avoir une meilleure conservation forcément, puisque plus profond, donc en dessous les labours, et puis voilà, vous avez un bâtiment qui est très haut, et quand vous le détruisez, vous créez beaucoup de remblais qui vont finir par masquer certains murs, et donc on a moins tendance à les récupérer jusqu'au bout ces murs. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Julien Bolève, je reviens sur votre drôle de métier. Une drôle d'histoire que nous avions évoquée il y a déjà un an, mais elle est trop belle pour ne pas la raconter. Vous êtes un toïcographologue ? Absolument. Alors un nom un peu barbare qui est une création récente, puisque c'est ça la petite histoire. Donc c'est que les études de peinture existent en France depuis les années 70, sous la houlette notamment d'Alix Barbet, qui a beaucoup développé la discipline, mais pas au point de lui donner un nom, et c'est quelque chose qui manquait. Donc on nous appelait les spécialistes réalise des peintures murales et stucs d'époque romaine, ce qui était un peu long. Et comme tous les métiers de l'archéologie, où il y a de nombreuses spécialités, ont leur petit nom en log, eh bien, on a fait créer ce nom, c'est-à-dire qu'on a tout simplement demandé à l'Académie française de nous trouver un nom pour nous appeler. Donc vous êtes dans le dictionnaire ? Alors, ce n'est pas encore rentré dans le dictionnaire, parce que là aussi, il y a toute une démarche législative assez longue. Par contre, si vous tapez toicographologue sur Internet, vous allez le trouver facilement, et je l'ai même vu référencé récemment dans un dictionnaire de mots croisés, ce qui doit valoir beaucoup au Scrabble ou au mot croisé. Julien Boilève, elles sont comment vos fresques ? Alors, elles sont pour l'instant très fragmentaires, puisque là, on est donc encore dans le cadre de la fouille, qui est toujours en cours. Hein. Et donc, les premiers éléments qu'on vous présente ici aujourd'hui sont un extrait de ce qu'on a pu trouver sur ce site, un tout petit extrait qui nous permet déjà de voir certains décors. Mais évidemment, l'étude n'est pas encore engagée, et tous ces fragments ont un devenir beaucoup plus important, puisqu'on attend des remontages conséquents, et on espère tirer beaucoup d'informations de ces décors, qui sont très nombreux, puisque le site a livré à l'heure actuelle plus de 150 caisses de fragments, ce qui est un ensemble considérable, qui plus est pour la Bretagne où on a des décors connus par ailleurs mais rarement des grandes quantités. Et ici on a un ensemble donc assez conséquent qui représente essentiellement les décors des thermes, puisque l'essentiel des fragments ont été trouvés dans les thermes et proviennent bien de ce bâtiment thermal. Ce sont des bâtiments qui sont souvent très décorés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de décor ailleurs sur la villa, notamment dans le bâtiment principal qui en a livré, mais son état d'arasement fait qu'on en a beaucoup moins de fragments. Alors j'ai souvenir, oui, vous comptez en caisse, vous, hein ? Oui, absolument, c'est notre mode de calcul pour estimer le temps de travail, mais aussi, quelque part, c'est un moyen de calculer la surface. Par référence, on calcule sur une caisse type avec une couche de fragments. Le comptage des fragments ne donnerait rien, puisqu'on peut avoir des fragments qui font 30 cm comme des fragments qui font 1,5 cm. Donc c'est la caisse l'unité de mesure, oui. Et vous avez de la peinture ? Absolument. Alors donc on a énormément de fragments de fresques, on est toujours sur des peintures à fresques typiques de l'époque romaine, avec des choses qui vont être à la fois des décors muraux et aussi des décors de plafond. Et au sein de ces décors, on va pouvoir différencier plusieurs types d'ores et déjà, hein, toujours sous réserve de l'étude à venir. Mais on s'aperçoit qu'on a des décors qui sont des décors muraux assez classiques par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Par exemple, on retrouve des imitations de marbre, on retrouve des éléments d'architecture fictive. Par exemple, ici sous les yeux, on a une plaque qui présente une moulure fictive avec des filets et des bandes en dégradé de couleur qui évoquent la modénature d'une moulure. Et puis au-dessus, une petite corniche avec des éléments en perspective, comme pour figurer des modillons. Et puis, on va avoir un ensemble beaucoup plus particulier, ce sont ces fameux enduits à incrustation de coquillages. Alors, vous dites fresque, vous ne dites pas enduit peint, comme le disent les spécialistes de cette discipline ? Alors, si, je pourrais tout à fait dire enduit peint, même peinture murale. Alors, peinture murale, ça sous-entend au mur, donc déjà, ça marche moins bien pour les plafonds. Fresque, c'est quand on fait référence à la technique qui a été employée par les Romains pour peindre ces éléments. Il s'agit en fait tout simplement d'une peinture qui est faite à frais. Le mot fresque vient de là, hein. Il vient de l'italien affresco, qui veut dire peindre dans le frais. Pourquoi ? Parce qu'on va justement peindre sur un mortier de sable et de chaux qui est nécessairement encore humide au moment où on le travaille, et c'est une réaction chimique liée à la chaux qui est contenue dans le mortier qui va permettre justement de fixer durablement le pigment. C'est pour ça qu'on a sous les yeux des fragments qui conservent une assez bonne fraîcheur des couleurs, assez proche de ce qu'elles pouvaient être à l'Antiquité, même s'il y a des taches, des cassures et des petits à-coups, mais c'est des pigments qui ont été très bien fixés. Alors les choses les plus incroyables, elles sont juste à côté, je me déplace, et on est dans la fresque, va-t-on dire, dans l'enduit peint à incrustation. Voilà, alors on est dans un artisanat un petit peu étrange, particulier en tout cas, qu'on pourrait dire hybride. C'est un artisanat hybride entre la peinture, puisqu'on a bien un fond coloré avec des motifs qui sont peints, mais ce fond coloré est recouvert de coquillages qui ont été incrustés justement dans l'enduit frais. On a profité de la plasticité du mortier pour y enfoncer des coquillages. Donc un art hybride quelque part entre la mosaïque, les coquillages remplaçant les tesselles, et la peinture qui va venir colorer les fonds. Ce type de décor, on le connaît assez bien en Bretagne parce qu'on a pu reprendre il y a quelques années avec deux collègues, Françoise Labeaune et Catherine Dupont, qui est malacologue, qu'on a associée pour identifier ces coquillages. Puisqu'il se trouve qu'en fait, depuis de nombreuses années, ces décors ont été signalés un petit peu partout en Bretagne. Alors quand je dis depuis de nombreuses années, c'est dès le 19e siècle, puisqu'on a des fouilles très tôt qui vont noter ces décors particuliers. Mais évidemment, les fouilles anciennes n'en ont souvent gardé que quelques fragments, c'était de l'échantillonnage. Et quand on a repris tout ce qui traînait un petit peu dans les musées et les connaissances qu'on avait jusqu'aux fouilles des années 70, on s'est aperçu qu'on pouvait identifier ce type de décor sur à peu près 23 sites pour à peu près plus d'une trentaine de décors différents. Et à partir de ces éléments, on a pu proposer une première synthèse où on s'est aperçu qu'on avait là quelque chose de bien particulier à la région, puisque des incrustations de coquillages, on en trouve un petit peu ailleurs, mais de types différents, et en très faible quantité, alors qu'ici, sur la région, on a manifestement une quantité importante de ces ensembles à coquillages, qui sont particuliers par la façon dont sont incrustés les coquillages, par les types de coquillages qui sont incrustés, et par les motifs qu'ils vont dessiner. On est sur une sorte de régionalisme, propre donc à l'armorique. Alors c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que justement on est sur des décors donc qui sont assez tardifs, ils sont identifiés comme étant des productions du 3e siècle après Jésus-Christ, ils sont identifiés dans des demeures ou des bâtiments plutôt luxueux, essentiellement des riches villas côtières, mais également en ville, dans des domus urbaines. Ce sont des décors qui peuvent paraître un petit peu kitsch à nos yeux aujourd'hui, hein, c'est particulier quand même ces incrustations, mais dont on sait qu'ils sont des décors recherchés à l'époque. Et de fait, c'est des décors qui doivent aussi induire un coût de travail important, puisqu'il faut considérer le temps de ramassage de ce coquillage. L'étude malacologique a pu prouver qu'il s'agissait de coquillages morts ramassés sur la plage, donc ce n'est pas des éléments qui auraient pu être consommés avant et dont on aurait récupéré les coquilles. Donc il y a un temps de ramassage sur la plage, il y a une sélection des coquillages par type et par couleur, et ensuite, dans la mise en œuvre aussi, ça sous-entend un travail beaucoup plus long, puisqu'au-delà de la peinture qu'il faut peindre à frais sur petites zones, il faut en plus prendre le temps d'incruster tous ces coquillages. Donc le temps de travail induit un coût de travail, donc ce sont des productions qui sont sans doute assez luxueuses. Ensuite, on va dans les codes de représentation, on s'aperçoit qu'on a très souvent, mais pas exclusivement, des décors de plafond ou de voûte, donc plutôt ornés sur des couvrements de pièces, et des décors à réseau, c'est-à-dire des trames géométriques, qu'on connaît très bien en peinture par ailleurs pour des plafonds, mais ici donc additionnés de coquillages, et un code bien défini avec par exemple quatre couleurs dominantes, on retrouve toujours les mêmes couleurs sur ces décors, c'est le bleu, le jaune, le vert et le rouge, qui peuvent être déclinés en quelques nuances, qui vont faire les grands fonds, les bandes directrices, et dessus, les coquillages vont également être appliqués par couleur. On va associer la couleur et la forme du coquillage à certains types de couleurs de peinture. Donc il y a une véritable codification de ces décors. Est-ce que l'on connaît d'autres régionalismes à travers l'Empire romain ? Est-ce que chaque région a eu ses propres particularités ? Alors c'est un sujet qui tend à se développer. Il y a eu un colloque il y a quelques années qui portait justement sur les styles régionaux, un colloque international, qui a permis de mettre en évidence certains types un petit peu locaux, mais ça reste assez difficile. Ça sous-entend d'avoir déjà suffisamment de matière pour identifier les choses à l'échelle d'une région. Et puis, par exemple pour la Bretagne, ces enduits à coquillages, ils cohabitent avec un style qui, lui, n'est pas du tout régional. On va trouver en parallèle à la même époque des décors qu'on va pouvoir retrouver par ailleurs partout en Gaule. Mais en plus, on ajoute ce style. Alors, il peut y avoir des choses. Par exemple, en Espagne, on a des décors un petit peu en relief, pas véritablement de stuc, mais qui sont très particuliers à une région de l'Espagne. Après, voilà, il y a tout un catalogue. Il y a certains motifs qui vont être plus développés dans une région ou dans l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça montre le développement d'un goût local qui n'est pas lié à une méconnaissance des autres décors et de ce qui se fait par ailleurs, puisqu'ils existent aussi, mais manifestement, il y a eu un engouement régional pour ces décors à coquillages. On ne peut pas non plus dire que ces décors à coquillages se sont développés en Bretagne. Le raccourci serait de se dire, bah oui, ben en Bretagne, il y a des côtes, il y a des coquillages, donc normal, on les met au mur. Il se trouve que ces mêmes coquillages existent sur les côtes de la Manche, sur les côtes de Méditerranée, les tellines, on en trouve énormément en Méditerranée, ou sur les côtes atlantiques, et on ne retrouve pas ces décors sur ces régions-là. Alors, de quel type de coquillage exactement s'agit-il ? Vous me parliez de Catherine Dupont, malacologue, donc spécialiste de la détermination des espèces de coquilles. Catherine, sur l'ensemble des décors qu'on a étudiés en Bretagne, a pu identifier 13 espèces principales. La majorité sont des petits coquillages, la plus grande proportion utilisée étant les donaces, les tellines, qui sont ces coquillages un petit peu allongés, des bivalves, qu'on appelle parfois des olives de mer. Alors, il y a plein de noms selon les régions. On va trouver trouver aussi tous ces petits escargots, les littorines, qui peuvent avoir des teintes vertes, jaunes, un peu plus grises. Les gibules, qui sont aussi des petits escargots avec des marbrures violettes. Et puis, plus rarement, et là, des coquillages qui, par contre, eux, sont bien connus très tôt en Italie, puisqu'utilisés sur des incrustations, c'est les grosses coques, les cardiums, qui sont donc beaucoup plus largement utilisés. Et on a donc 13 espèces différentes identifiées jusqu'à présent. On verra si l'angrelais révèle de nouvelles espèces ou utilise bien les mêmes. Et des gastéropodes aussi. Exactement, voilà. Donc on a des gastéropodes, des bivalves, et on va aussi utiliser le sens d'application du coquillage. Certains sont appliqués, on va dire, à l'endroit. D'autres, au contraire, vont présenter l'opercule, l'ouverture vers le spectateur, on va dire. Et ça donne un jeu de profondeur, de relief sur la paroi. On pourrait rapprocher ça de certains décors grotesques, par exemple. Justement, j'avais absolument jamais vu ce genre de choses-là. Ça me rappelle certaines productions au XVIIIe siècle. Tout à fait, on va avoir des décors effectivement dans ces décors un peu baroques et grotesques où on va chercher à rendre utiliser les rocailles, etc. Où on va incruster des coquillages. Il y a certains châteaux qui présentent des niches ou des nymphées ou des éléments de jardin comme ça, des kiosques de jardin où on va retrouver ces incrustations de coquillages. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé tout le temps et même encore en Bretagne aujourd'hui sur certaines petites maisons côtières, on peut trouver des fantaisies de jardin avec des coquillages utilisés et incrustés, oui. Alors ces coquillages, ils étaient dans les thermes, ils étaient où exactement? Est-ce qu'ils ont une répartition particulière? Pour l'instant, l'étude n'étant pas engagée, on peut pas encore, sur le site de l'Angrelais, mettre en évidence la répartition. On a pu observer qu'on avait déjà des fragments qui présentaient une courbure assez nette et qui donc se rattachent à des voûtes. On en a trouvé dans plusieurs pièces. On sait qu'on a plusieurs décors ici qui vont avoir des incrustations de coquillages. Mais comme ce sont des éléments en rejet, il va falloir attendre l'étude pour être sûr de la provenance des pièces, puisque ce sont des éléments qui ont sans doute été rejetés sur le site à l'occasion de la récupération des matériaux de construction, c'est-à-dire qu'on récupère les pierres, les briques ou tous les autres matériaux. On enlève l'enduit qui est dessus, qui n'a aucun intérêt en termes de récupération, et on le laisse sur place. Simplement, quand on le laisse sur place, on ne le laisse pas forcément dans la pièce où on l'a trouvé, ça peut être jeté dans la pièce voisine. Donc il va falloir démêler tout ça pour l'étude. Sur l'ensemble des décors qu'on a pu étudier en Bretagne, une première étude des années 80 avait mis en évidence que ces décors étaient présents dans les salles froides des thermes, mais on avait tiré une conclusion un petit peu trop rapide, à savoir que les enduits à coquillages signaient systématiquement les frigidaria, c'est-à-dire les salles froides des thermes. On s'est aperçu que c'était pas aussi simple et qu'on pouvait avoir ce type de décor à coquillage d'abord ailleurs que dans des thermes et au sein même des thermes également dans des pièces chaudes, pas que dans les pièces froides. Qui a produit ces fresques? On a une idée? Est-ce une production locale ou tout au contraire, est-ce que ce sont de grands maîtres italiens? Alors non, la récurrence des décors à l'échelle de la Bretagne et l'absence de ces mêmes décors ailleurs nous incite quand même à penser qu'on est effectivement sur des productions régionales locales. Le ramassage des coquillages, étant donné que ce sont des espèces qui sont présentes sur le côte, et certainement local, et leur mise en œuvre aussi. Ce qui va être intéressant avec un ensemble comme celui de l'Angrelais, ça va être de retourner aux autres ensembles et peut-être de réussir à identifier des recettes, des façons de faire dans la mise en œuvre des mortiers, dans la façon dont sont faits les tracés préparatoires, l'incrustation des coquillages, et peut-être, c'est toujours quelque chose vers quoi on tend, mais c'est toujours assez difficile, essayer de reconnaître des mains d'atelier et de pouvoir dire... Ah, est-ce qu'on va avoir la chance d'identifier un atelier qui aurait produit une œuvre dans différentes villas de la région, par exemple? Là, nous sommes sur un matériel qui daterait du 3e siècle après notre ère. Ces coquillages, ces représentations que vous évoquiez au début, on est sur un véritable phénomène de mode? Absolument, oui, on peut tout à fait parler d'une mode. Là, c'est très très clair de par l'étendue de ces décors. Et quand on a la chance d'avoir des datations associées, on a systématiquement pu montrer qu'elles étaient du 3e siècle. Et l'étendue... À toute l'échelle de la Bretagne, on va en trouver dans le Finistère, sur les côtes sud, dans les terres, à Rennes, à Carhaix, dans les grandes villes, montre qu'il y a un véritable engouement. Et c'est une mode en plus qui est vérifiable pour ces enduits à coquillages, mais qu'on va retrouver pour d'autres domaines de la décoration en Bretagne particulièrement, avec notamment par exemple les plaques de schiste sculptées et gravées qu'on a de façon très nombreuse en Bretagne. On a certains domaines qui demandent encore à être approfondis, mais par exemple l'absence de mosaïques en Bretagne interroge aussi. Moi je ne crois pas du tout que ce soit une absence liée à un manque de moyens, puisqu'on a des mosaïques aux portes de l'armorique en Normandie, et je doute fort qu'aucun propriétaire breton n'ait eu les moyens de faire venir un atelier de mosaïste en Bretagne. Je pense plus que c'est lié à un goût, qu'on n'a peut-être pas apprécié ces décors-là. À l'inverse, on va avoir des opus sectilés, par exemple, donc des plaquages de roches au sol, qui sont plus nombreux en Bretagne. La fouille n'est bien sûr pas encore finie. Vous avez des centaines de caisses. Qu'allez-vous faire? Et tout ça pourquoi? Alors tout ça pour pouvoir reconstituer un petit peu ce bâtiment sous divers aspects. évidemment le décor, c'est la première évidence. Donc tous ces fragments, il va falloir les laver, il va falloir les assembler, les recomposer pour avoir des enchaînements clés qui vont nous permettre de comprendre le décor. Et encore une fois, comme toujours sur des études de peinture, si les remontages sont suffisants, eh bien on va pouvoir pousser, et c'est là un des intérêts majeurs, jusqu'à la restitution architecturale du bâtiment. On a déjà évoqué par exemple ici des fragments courbes qui indiquent une voûte, ne serait-ce que de pouvoir dire qu'une pièce était voûtée et non pas avec un plafond plat, c'est déjà une information qui permet d'aller plus loin dans la restitution de l'architecture. On va essayer aussi d'observer peut-être des évolutions du décor. Par exemple, ici, j'ai déjà repéré quelques fragments qui présentent deux décors superposés. Ça veut dire qu'à une époque, on a fait une réfection, on a entretenu le bâtiment, on a changé le décor, soit parce que le précédent était dégradé, soit parce que les modes ont changé et qu'on a voulu se mettre au goût du jour, comme on le ferait nous avec des tapisseries. Parfois, on enlève la tapisserie précédente, parfois, on remet une tapisserie par-dessus. Eh bien, c'est pareil à l'époque romaine, et ça, c'est des indices donc de la vie et de l'entretien de ces bâtiments. L'enjeu majeur, c'est la donnée architecturale, évidemment, et le décor va aussi permettre d'évaluer le statut de ce bâtiment. Alors, les termes déjà sont immenses et ne nous cachent pas qu'on a affaire à une grande villa d'un riche propriétaire. Le décor va permettre d'affiner encore un petit peu ce point de vue. Si les termes sont conservés, est-ce que vous pensez que tous ces jolis morceaux de fresques avec des coquillages réintégreront le bâtiment ? Ouh, alors ça c'est une question très difficile. D'abord le choix de la conservation du bâtiment ne nous revient pas, ça c'est une discussion en cours entre l'aménageur, la mairie et les services de l'État. Ensuite, réintégrer des fresques sur un site, c'est très compliqué, c'est un matériau fragile qui évidemment ne peut pas rester en extérieur. Donc leur destination première, la plus évidente, serait un musée. Maintenant, si on envisage un musée de site, pourquoi pas avec des salles protégées, oui, on pourrait y replacer les décors, mais c'est quand même très compliqué. Jean-Paul Guinche, vous êtes le maire de Langres-l'Assurance. Cette villa et ces thermes, vous pensez pouvoir les conserver ? La villa dans son entier, certainement pas. Les thermes, oui. Nous avons, après une réflexion rapide, parce qu'on a eu en gros que 3 semaines pour décider, nous avons délibéré en conseil municipal il y a 15 jours sur la conservation des thermes. En sachant que notre principal problème est bien le problème du financement de cette conservation, voire de l'aménagement ultérieur. Ça ne va pas totalement perturber le projet d'aménagement ? Pas du tout, ça concerne en fait la troisième tranche de ce projet, donc la première tranche commence d'ailleurs ces jours-ci. La troisième tranche arrivera d'ici 2 ans et demi à peu près à l'endroit où se trouvent les thermes, ce qui nous donne la possibilité de travailler sur le montage financier pour la préservation et la réflexion, mais aussi à l'aménageur de retravailler son projet, puisqu'évidemment, ça va supprimer quelques lots de sa dernière tranche. 4-5 maisons sur un projet de 49. Langres-l'Est, c'est un tout petit village, quelques habitants. Comment est perçue cette découverte ? L'impact sur les habitants, évidemment, la Vox Populi nous dit qu'il faut garder les thermes. D'autant qu'après les journées du patrimoine, en une journée, on a eu 6000 visiteurs. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, on se ferait étriper si on décidait de ne pas les garder. Oui, je suis passé devant le tabac. Il y avait un grand panneau du grand journal de l'Ouest de la France qui disait « Les thermes seront conservés ». J'imagine que c'est un dossier très long, mais vous pensez aboutir.